Vendetta. David Vendetta. En direct de l'Inox Electronic Festival. En simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Vendetta. David Vendetta. Vous lâche 2 heures de mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Your mind is twisted. How can I resist it? De l'Inox Electronic Festival. C'est David Vendetta au platine. David Vendetta. Good. We love what is real, as your soul.

Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est David Vendetta au platine. David Vendetta. Fun Radio. Vendetta. Inox Electronic Festival en direct de Toulouse. Fun Radio. Thank you. Fun Radio. DJ de la planète, réunis pour 3 jours à Toulouse. David Vendetta. David Vendetta, c'est l'Inox Electronic Festival. Yeah. this come from? Making it pour 3 jours à Toulouse. David Vendetta, c'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. De l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio.